écoutant Monsieur X cette semaine, j'avais l'impression d'avoir en permanence cette photo devant les yeux, celle d'un homme dans la force de la quarantaine, photographié de trois quarts. Le visage aux traits réguliers est celui d'un séducteur malgré le nez pointu, un peu bosselé à la racine. Les yeux sombres fixent l'objectif. On pense qu'ils peuvent aussi aisément rire que menacer, aimer que fustiger. Les lèvres, surtout la lèvre inférieure, sont gourmandes. Elles esquissent une sorte de sourire, le sourire d'un homme narquois qui ne se fait nulle illusion, mais qui lance comme un défi à ses contemporains, un défi à l'avenir. À l'évidence, le personnage est sûr de lui, sûr de son intelligence, sûr de son pouvoir de séduction, et il ne lui déplaît pas d'apparaître ainsi, avec ce soupçon d'arrogance et de mystère. Cette photo est celle de François Mitterrand. Elle a été prise sur le perron de l'Élysée le 30 mai 1958. Mitterrand, 11 fois ministre sous la 4e République, vient d'être reçu par le président René Coty alors que le régime succombe et que le général de Gaulle arrive irrésistiblement au pouvoir. Le futur chef de l'État a alors 42 ans. Il a choisi sans ambiguïté de s'opposer à l'avènement d'une nouvelle République issue d'un mouvement séditieux initié à Alger par les généraux et les activistes des comités de salut public. C'est le début d'une longue cure d'opposition qui ne se terminera que 23 ans plus tard, lors de son élection à la présidence de la République. Un an et quatre mois après la prise de cette photographie si expressive, François Mitterrand, qui apparaît comme l'opposant le plus déterminé au général de Gaulle, est au plus bas. Le scandale du faux attentat de l'Observatoire vient d'éclater. Mitterrand est humilié, stipendié, sali, et bientôt le Sénat va voter la levée de son immunité parlementaire. Pour la plupart des observateurs de la vie politique, sa carrière est terminée. On sait ce qu'il en adviendra. Car dès 1965, représentant d'une gauche unie, Mitterrand contraint le général au ballottage lors de la première élection présidentielle au suffrage universel. Une incontestable revanche, alors même que l'affaire de l'Observatoire est loin d'être oubliée et que ses adversaires ne se sont pas privés de la rappeler bruyamment dans toutes leurs réunions électorales. L'Observatoire, c'est donc de cette ténébreuse histoire que M. X a bien voulu me parler lors de ce nouvel entretien. Pourquoi ? Parce que, 40 ans plus tard, cette affaire demeure mystérieuse et sulfureuse. François Mitterrand a-t-il commis une impardonnable supercherie ou a-t-il été victime d'une machination ? Ah, je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi moi, l'homme des services secrets, je peux avoir des lumières sur cette affaire de l'Observatoire ? Je vous écoute, puisque maintenant vous faites aussi les questions. Bah, c'est que je commence à vous connaître. Ouais. Bon, je pourrais aussi vous répondre que cette affaire sent la manœuvre de basse police, et que forcément des services ont eu à la connaître. Enfin, c'est faux. Non, si j'ai eu connaissance de ce dossier, c'est un petit peu par hasard. Bah, expliquez-moi alors. Bah, écoutez, il se trouve que l'homme clé de l'affaire, l'ancien député Pesquet, a fricoté avec le monde du renseignement et que, bien après l'affaire de l'Observatoire, nous avons été amenés à nous intéresser à ses activités. Bah, c'est ainsi que, de fil en aiguille, j'ai obtenu de précieuses informations sur cette histoire. Mais de la bouche même de Pesquet ? Pourquoi pas ? Bah, oui, pourquoi pas, oui, mais enfin, dites-moi quand même quelles étaient alors les activités de cet ancien député. Bien après pas mal de tribulations et d'ennuis divers avec la justice de notre pays, Pesquet était alors un agent des services de renseignement ibérique. D'abord portugais, puis espagnol. Enfin, passons, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Encore que, choisir de travailler pour les services secrets de Salazar ou Franco, ça n'est pas tout à fait innocent. C'est vrai. Mais enfin, Robert Pesquet n'a jamais prétendu être un homme de gauche. Ah bon ? Et ses convictions l'ont plutôt conduit à flirter avec l'extrême droite. Bon. Alors, c'est clair. Alors, l'Observatoire, vous pourriez y rappeler les grandes lignes ? Si vous voulez. Mais voyons d'abord la version Mitterrand, celle qu'il livre à la police au lendemain du 15 octobre 1959. Mmh. Ce soir-là, il dîne chez l'un de ses meilleurs amis, Georges Daillon, puis il passe chez Lippe. Boulevard Saint-Germain. Oui. Mais il ne s'attarde pas et remonte dans sa voiture, une 403. Et alors quelle heure ? À peu près 00h30. François Mitterrand habitait alors rue Guinemer, en face du jardin du Luxembourg. Donc il prend tout naturellement la rue de Seine, puis la rue de Tournon, mais très vite il s'aperçoit qu'une voiture le suit. Mais est-ce qu'il était aux aguets ? Enfin, est-ce qu'il s'attendait à quelque chose de ce genre ? Oui. Mais si vous le voulez, on verra ça tout à l'heure. Donc, quand il arrive devant le Sénat, au lieu de tourner à droite pour rentrer chez lui, Mitterrand empointe la rue Médicis à gauche. Mmh. Il se dirige donc vers le boulevard Saint-Michel. Exact. Mmh. La voiture fileuse est toujours derrière. Et Mitterrand a même l'impression qu'elle essaie de le coincer. Alors, brusquement, sur le boulevard, il accélère. Il veut se dégager. Oui. Et à la hauteur de la rue Auguste-Comte, il vire à droite. Mais l'autre voiture suit encore. Alors François Mitterrand empile, saute de sa 403 devant le square de l'Observatoire, escalade la petite barrière, court dans le jardin et se jette à terre derrière un buisson. Là, il entend la voiture suiveuse, puis une rafale de mitraillettes. Mmh. Une rafale qui va atteindre sa 403. Tout à fait. Mmh. On va y relever plusieurs impacts de balles. J'imagine que la police est très vite avertie, non ? Oui, dans ses premières déclarations, l'ancien ministre, qui semble très choqué, affirme que l'automobile qu'il suivait était petite et de couleur sombre et qu'elle était sans doute occupée par deux hommes. Et aussitôt, quand il s'agit quand même d'un député, l'affaire fait grand bruit. Naturellement. Mitterrand, même dans l'opposition, est alors un des hommes politiques qui compte. Et tout de suite, il reçoit un grand nombre de messages de sympathie. Mais est-ce que, dans la presse, enfin, par exemple, on attribue la responsabilité de l'attentat à quelqu'un? Enfin, est-ce qu'on voit d'où peut venir le coup? Oui, oui, ce sont les activistes de l'extrême droite qui sont montrés du doigt. Tout de suite. Oui, ceux qui s'agitent toujours à Alger, qui dénoncent les hommes politiques qui souhaitent la paix en Algérie. Il faut noter d'ailleurs que très curieusement, ce même 15 octobre, les journaux ont publié une déclaration très alarmante de Lucien Neuwirth. Le futur père de la pilule. C'est cela, oui. Mais à l'époque, Neuwirth n'en est pas encore là. Il est député, c'est un dirigeant important du parti gaulliste, l'UNR, et c'est aussi, il faut le rappeler, un homme qui a joué un rôle essentiel dans la préparation du 13 mai 58 et le retour au pouvoir du général de Gaulle. Donc un homme parfaitement informé. Oui. Ouais. Et que dit exactement Neuwirth ? Ben, il affirme que des commandos de tueurs ont passé la frontière espagnole et qu'ils disposent d'une liste de personnalités à abattre. Or, incontestablement, Mitterrand, bête noire des ultras d'Alger, peut faire partie de la liste. Mmh. Donc, quand Mitterrand s'aperçoit qu'il est suivi, il peut avoir légitimement le sentiment qu'on en veut à sa vie. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans les jours qui suivent, les autorités effectuent un certain nombre de rafles dans les groupuscules d'extrême droite. Dans une certaine mesure, le gouvernement conforte donc la thèse de l'existence de commandos, de tueurs activistes. Oui, oui, d'autant que François Mitterrand déclare à la police qu'au cours des jours qui ont précédé l'attentat, il a reçu de nombreuses menaces téléphoniques. Enfin, mais vous devez bien connaître l'histoire. Une semaine plus tard, la version de Mitterrand vole en éclats. Oui, enfin, rappelez-moi quand même, comment ça se passe exactement ? Eh bien, Robert Pesquet, au cours d'une retentissante conférence de presse, déclare que l'attentat était bidon et que François Mitterrand était parfaitement au courant. Bref, il a fait semblant. C'est cela. Mm-hmm. Et avant d'aller plus loin, peut-être pas inutile de dire qui est ce Pesquet. Hein. Oui, vous avez tout à fait raison. Bon, disons-le tout de suite, ce Pesquet est un curieux bonhomme. C'est-à-dire ça. Après une carrière de petit industriel en Normandie, Robert Pesquet est saisi par le démon de la politique. À l'initiative de Raymond Triboulet, qui deviendra plus tard ministre des Anciens Combattants. C'est un gaulliste, en tout cas. Oui, non, bien sûr. Donc, à l'initiative de Triboulet, Pesquet abandonne son entreprise et devient secrétaire administratif du groupe RPF à l'Assemblée nationale. Puis, à l'approche des élections législatives de 1956... Des élections qui verront l'arrivée au Palais Bourbon d'un fort contingent de députés poujadistes. C'est exact, oui, ouais. Oui, plus d'une cinquantaine. Pesquet, lui, s'est vu convaincre par Triboulet, mais aussi par le bouillant sénateur d'Indre-et-Loire, Michel Debré, de concourir donc en Loire-et-Cher. Sous les couleurs du RPF, alors. Bien sûr. Et Debré lui donne un sacré coup de main lors de sa campagne électorale. Un coup de main décisif. Alors que le RPF est laminé, Pesquet, lui, est élu. Ouais. Le voilà donc député. Mais très vite, il se fâche avec ses amis du RPF. Il quitte le groupe et s'apparente aux poujadistes. Ça lui coûtera cher. Car aux élections de 58, après le retour donc de Gaulle, il n'aura pas droit à l'étiquette gaulliste et il sera battu. Mmh. Mais alors, ça veut dire qu'au moment de l'affaire de l'Observatoire, il n'est plus député, hein ? C'est ça, hein ? Oui. Ouais. Mais l'homme, enfin, personnage, qui est-il vraiment ? Bah, il y a à boire et à manger dans ce personnage. Que voulez-vous dire ? Eh bien, disons qu'il n'a pas une très bonne réputation. Et les gens bien informés affirment qu'il traîne pas mal de casseroles, même s'il a toujours échappé au tribunal. Pas très net, donc. Mais est-ce qu'il connaît François Mitterrand ? Forcément. Ils ont été tous deux parlementaires. Enfin, ils se sont croisés, c'est tout. Mmh. Et Mitterrand, c'est certain, n'a guère de sympathie pour cet ancien député qui est profondément marqué à droite et même à l'extrême droite. Et pourtant, un jour du début du mois d'octobre, c'est à cet homme-là qu'il va étrangement prêter une oreille attentive. Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Dans son livre intitulé « François Mitterrand, une vie », publié au Seuil, Le journaliste Franz-Olivier Gisbert a raconté la rencontre entre le futur président de la République et l'ancien député. Je le cite. Le 7 octobre 1959, au Palais de Justice, François Mitterrand devise avec Roland Dumas « Lorsqu'un homme, genre bon gros, qu'il ne reconnaît pas tout de suite, s'approche de lui et lui souffle à l'oreille « Il faut que je vous parle, c'est très important ». Cet homme, c'est Robert Pesquet, un ancien vendeur de yaourts, secrétaire administratif du groupe RPF à l'Assemblée nationale, puis attaché de cabinet de Raymond Triboulet au ministère des Anciens Combattants. Élu en 1956, député sous l'étiquette républicain social, gaulliste, avec le soutien de Michel Debré, il s'apparenta ensuite au groupe parlementaire poujadiste. Cela, Mitterrand le sait. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Robert Pesquet a pas mal d'antécédents judiciaires, que des plaintes pour escroquerie, abus de confiance ou détournement de mineurs ont été déposées contre lui, sans jamais aboutir d'ailleurs, et que la gendarmerie de Caen avait même donné un avis défavorable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve. Pour elle, en effet, l'homme était réputé libertin, prétentieux, de moralité douteuse et peu scrupuleux quant aux moyens de se procurer des ressources. Tel est celui qui, ce jour-là, entre dans le destin de Mitterrand, roublard, intrigant, le contraire d'un saint homme. Le sénateur de la Nièvre, qui ne connaît que le politicien d'extrême droite, pas le fripon, mais qui nourrit une aversion contre ce type de personnage, le fait attendre longuement avant d'aller prendre en vitesse avec lui et Roland Dumas un verre au bar des Deux Palais. La suite avec Monsieur X. Que peut bien dire Pesquet à Mitterrand pour s'en faire écouter ? Eh bien, la conversation se passe en deux temps. Mmh. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le sénateur Mitterrand, lorsque Pesquet l'aborde, n'est pas seul. Il est accompagné de son ami, l'avocat, Roland Dumas. Ouais. La première partie de cette conversation se passe donc en présence de Dumas. Oui, et Pesquet se contente d'évoquer l'atmosphère de complot qui règne en France. Ouais, rien qui puisse vraiment étonner Mitterrand. Non, non, et celui-ci lui fait comprendre assez fermement, donc on se serre la main. Dumas et Mitterrand quittent Pesquet, s'en vont chacun de leur côté. Mais presque aussitôt, l'ancien député court derrière Mitterrand et le rattrape. Ça veut dire qu'il veut lui parler seul à seul. Oui, et pour reconstituer cette conversation, nous n'avons que deux témoins. Mitterrand et Pesquet. Et vous imaginez bien que leurs versions ne sont pas tout à fait semblables. Mmh. Alors je vous propose d'abord la version Pesquet, puisque c'est elle qui alimentera le scandale et jettera l'opprobre sur le sénateur Mitterrand. La version Pesquet, première manière, parce qu'il y en aura d'autres plus tard, beaucoup plus tard. Une parenthèse, ça fait deux fois que vous parlez du sénateur Mitterrand. En 59, il siège donc au Sénat. Hein. Oui, aux législatives de décembre 58, comme pas mal d'autres députés, il a été emporté par la vague de fond gaulliste et il a été battu. Mais il s'est présenté au Sénat et les grands électeurs de la Nièvre l'ont porté sans difficulté à la Chambre haute. Ouais, d'accord, alors fermons la parenthèse. Alors, on continue sur la version Pesquet. Mmh. L'ancien député lui dit tout d'abord que de graves dangers planent sur lui, Mitterrand. Mmh. Il existe des ultras qui voudraient l'abattre physiquement, bien sûr. Ouais, réaction de Mitterrand ? L'incrédulité. Même si, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur et de la Justice, il sait bien que certains hommes ne répugnent pas à agir par la violence. Il a du mal à croire qu'on puisse s'attaquer ainsi à lui. Mais Pesquet, habilement, se fait plus insinuant. C'est-à-dire hein. Bah, non seulement il assure son interlocuteur que le danger est réel, mais il remarque qu'un attentat pourrait avoir des effets positifs pour lui et Mitterrand, à condition bien sûr qu'il soit raté. Ouais, le contraire m'eût étonné. Et à ce moment-là, toujours, selon Pesquet, le sénateur de la Nièvre dresse l'oreille. D'autant que l'ancien député poursuit sur sa lancée. Si Mitterrand était victime d'un attentat, sa popularité ne pourrait qu'y gagner. Mieux, ça l'installerait définitivement comme le chef incontestable de l'opposition. Et Mitterrand marche ? D'après Pesquet, il est même enthousiaste. Il comprend tout de suite comment il pourrait exploiter un tel événement et quel bénéfice il pourrait en tirer. Ouais. Et attendez, c'est Pesquet qui organiserait ce vrai faux attentat ? Mitterrand l'y encourage. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Pourquoi Pesquet, qui est un adversaire politique de Mitterrand, hein, on est d'accord, lui viendrait-il en aide ? Vous avez raison, enfin, c'est une question très troublante. Et la version Pesquet, sur ce point au moins, n'est pas très convaincante. Il aurait assuré Mitterrand qu'en agissant ainsi, il se vengeait des gaullistes qui l'avaient fait battre aux dernières élections. Mmh. Alors un homme d'extrême droite, hein, et donc farouchement partisan de l'Algérie française, serait prêt à donner un coup de main à un leader politique de gauche qui défend des positions exactement contraires. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement bizarre. Mais poursuivons la version Pesquet, si vous voulez bien. Mmh. Dans les jours qui suivent, les deux hommes se revoient, la première fois dans un café des Champs-Élysées, et la deuxième fois au Sénat. Il s'agit de mettre au point les détails du faux attentat. Les Champs-Élysées, le Sénat. On peut trouver plus discret comme lieu de rendez-vous pour préparer une opération clandestine, non? Bah, encore une fois, vous avez parfaitement raison. Enfin, passons. Provisoirement, en tout cas. Donc, on met tout au point, et selon Pesquet, toujours, c'est Mitterrand qui écrit ce scénario de roman policier. Je ne lui connaissais pas ce talent. Moi non plus. Donc, le plan est le suivant. Le soir du 15 octobre, Mitterrand se trouvera à la brasserie Lip. Pesquet, un peu après minuit, se présentera discrètement derrière les glaces de l'aventure. C'est-à-dire à l'extérieur? Oui. Mmh. Quelques instants après, Mitterrand sortira de l'établissement, montera dans sa 403. Pesquet le suivra dans son propre véhicule. Il aura à ses côtés son jardinier. C'est lui, armé d'une mitraillette Sten, qui sera chargé de faire le coup. La suite, bon, vous la connaissez, elle correspond en tout point à ce que nous savons. Ouais, c'est-à-dire la course-poursuite, la 403 abandonnée, et puis Mitterrand qui saute la grille du jardin de l'Observatoire. Et se réfugie derrière un buisson, tandis que le complice de Pesquet arrose la 403 d'une rafale de mitraillette. Mm-hmm. Bah, de ce point de vue, donc, le scénario est parfaitement respecté. Hein. Oui, même si Pesquet dira qu'il a dû faire deux fois le tour du jardin de l'Observatoire avant de donner l'ordre à son jardinier de tirer sur la 403. Pourquoi ça? Bah, la première fois, parce qu'un couple d'amoureux occupait les lieux. Et la deuxième, à cause de la présence inopportune d'un taxi. Enfin, là n'est pas l'important. Pesquet, avant d'agir, a pris ses précautions et tendu un véritable piège à François Mitterrand. Attends, le piège, c'est quoi? La veille, ou l'avant-veille du faux attentat, il a couché par écrit tous les détails de l'opération. Puis il a mis ce récit sous enveloppe et se l'est envoyé à lui-même, poste restante. Ainsi, le cachet de la poste faisant foi, il sera en mesure de confondre Mitterrand et de prouver que le sénateur s'est livré à une vraie supercherie. Ça, c'est en effet imparable. Et le piège va se refermer sur Mitterrand. Peu après sa retentissante conférence de presse, Robert Pesquet est convoqué par le juge d'instruction chargé de l'affaire. Un homme qu'il connaît très bien, puisqu'ils ont fait leur service militaire ensemble. Mais personne ne le sait. S'il se connaissait bien, le juge n'aurait-il pas dû être dessaisi? Certainement, enfin ça c'est un détail pas tout à fait innocent. Donc Pesquet se présente devant son ami le juge, et pour authentifier sa version, il lui raconte l'histoire de la lettre envoyée poste restante. Mmh. Aussitôt un huissier est chargé d'aller récupérer la précieuse lettre, et pour Mitterrand c'est la catastrophe. Oui, parce qu'il est coincé là. Et momentanément, oui. Et malgré les invraisemblances que vous avez justement signalées, monsieur Pesquet, merci, c'est-à-dire l'absence de toute connivence politique entre les deux hommes et surtout le fait que les préparatifs de l'attentat ont eu lieu dans des lieux publics, Mitterrand subit de plein fouet les conséquences de l'affaire. Ses amis se détournent de lui, la presse de tous bords l'assassine et bientôt une action judiciaire va être entreprise contre lui. Et l'action judiciaire, pourquoi? Pour quel motif? Outrage à magistrat. Bah, expliquez-moi. Le parquet qui est à l'origine de cette inculpation. Le parquet, c'est-à-dire le gouvernement? Naturellement. Donc on reproche à François Mitterrand, lors de sa déposition devant un commissaire de police, après l'attentat, de ne pas avoir parlé de ses rapports avec Pesquet. Une inculpation sujette à caution d'ailleurs. Parce qu'au fond, Mitterrand n'a menti que par omission. Et il est difficile de le poursuivre pour cette seule raison. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de Pesquet, alors peut-être qu'il aurait dû. Donc omission. Alors, à votre avis, le gouvernement... mène donc une opération purement politique. Bien évidemment. L'occasion est trop belle de se débarrasser d'un opposant pugnace. Admettons, mais il ne reste pas moins que François Mitterrand aurait sans doute dû dire la vérité. Tout à fait d'accord, mais le futur président a commis dans cette affaire de nombreuses erreurs. Et si vous le voulez bien, nous allons les passer en revue. Enfin, la question qui se pose, la vraie question, c'est pourquoi? Comment un homme si soupçonneux et expérimenté, un homme qu'on a déjà essayé d'abattre lors de la fameuse affaire des fuites, dont nous avons déjà parlé, souvenez-vous, comment a-t-il pu tomber dans le piège de Pesquet? Et il y a, enfin, si vous permettez, une deuxième question aussi essentielle. Est-ce que Pesquet a agi de sa propre initiative ou est-ce qu'il a été l'instrument d'une manipulation? En formulant cette question, il me semble que vous donnez déjà la réponse. Il est évident que Pesquet n'a pas agi seul et que l'affaire dépassait largement sa petite personne. Monsieur X l'a dit, dès les révélations de Robert Pesquet, François Mitterrand est blessé. Blessé à mort, n'hésite pas à écrire certains éditorialistes qui imaginent mal comment il pourra se relever un jour. D'autant que l'ancien ministre est lâché par la plupart de ses amis politiques. Pourtant, au milieu de ce torrent de haine, une grande voix s'élève, celle de François Mauriac. Voici ce qu'il écrit dans son bloc-notes de l'Express du 24 octobre 1959. François Mitterrand, contre lequel rien n'est prouvé, apporterait-il toutes les preuves d'une machination? Les bonnes gens souriraient, hocheraient la tête. Que la vie de ses enfants ait été menacée, cela n'a désarmé personne. Les fantaisistes de la télévision n'ont peut-être pas d'enfants, eux, qui tout à l'heure, devant 1 million d'auditeurs, harcelaient ce cerf aux abois, le criblaient de flèches trempées avec soin dans un mélange de poison. S'il ne s'agissait de ce lutteur dont je connais le courage, il serait ce soir plus mort que s'il était tombé sous les balles des mitraillettes. Je ne doute pas qu'il ne donne finalement la preuve de sa bonne foi. Il restera tout de même quelque chose de la calomnie. Les preuves ne servent à rien, même quand elles ne laissent pas la moindre place au doute. Et ici, il s'agit d'un piège monté d'une main experte et d'un homme peut-être un peu affolé et qui ne s'est pas souvenu de se méfier. Et une semaine plus tard, Mauriac, toujours lui, écrit « Mitterrand aura payé cher d'avoir été moins fort que ses ennemis eux-mêmes ne l'auraient cru. Et moi, je lui sais gré de sa faiblesse. Elle témoigne qu'il appartient à une autre espèce que ceux qui l'ont fait trébucher. Il s'est endurci, j'imagine, autant que l'eût exigé une époque autre que celle-ci. Mais aujourd'hui, c'est le temps des assassins. Mitterrand fait confiance à l'homme, tout à coup, même à l'homme taré et perdu. C'est la blessure chrétienne qui ne se cicatrise jamais tout à fait dans le cœur en apparence endurci. » Avant d'en venir à la machination dont a été victime, selon vous, Mitterrand, voyons donc les erreurs qu'il a commises dans cette affaire. Volontiers. La première erreur, enfin la plus évidente, c'est de ne pas s'être renseigné sur la personnalité de Pesquet. Oui, parce que s'il avait vraiment su qui était le bonhomme, il n'aurait pas été plus avant. Naturellement. Ouais. Pardonnez-moi, j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas fait cette démarche. Ou à tout le moins qu'il n'ait pas été informé. C'est vrai, c'est troublant. Mais j'essaierai d'y répondre un peu plus tard. J'ajoute autre chose qui explique en partie l'attitude de Mitterrand. Pesquet lui annonce qu'il va être victime d'un attentat. Mm-hmm. Pourquoi ? Alors qu'il a de bonnes raisons de croire qu'il est effectivement visé par les ultras et que les menaces téléphoniques s'accroissent, ne pas se prêter à cette simulation pour rendre impossible un attentat ultérieur. Mais ça peut se comprendre. Pour parer un autre attentat. Un vrai attentat. Mais autre erreur qu'il aurait commise. Pourquoi, dès qu'il a appris par Pesquet qu'il risquait d'être la cible d'un attentat, n'a-t-il pas pris la précaution élémentaire d'avertir les services de police? Oui, parce que s'il avait fait, le montage Pesquet s'écroulait. Bien sûr. Et même en imaginant qu'il se soit quand même prêté à l'organisation de ce faux attentat, Pesquet et son complice auraient été pris en flagrant délit. J'ajoute quelque chose de très important. Peu de semaines avant l'affaire de l'Observatoire, un autre homme politique, un ami de Mitterrand d'ailleurs, Bourgès Mounouri. Oui, qui avait été ministre de la Défense dans le gouvernement Guimolet auquel appartenait Mitterrand. C'est exact. Eh bien, Bourgès avait été approché dans les mêmes conditions par Pesquet. Mais lui, il s'était aussitôt empressé de prévenir la police. Ah, il avait donc été beaucoup plus prudent. Hein. Mais ça, c'est une information, me semble-t-il, qui vient à la décharge de Mitterrand. Hein. Oui, mais curieusement, la police n'en fera pas état lorsque le scandale de l'Observatoire éclatera. Il faudra que Bourgès Mounouri en personne se manifeste pour qu'on l'apprenne. Encore un mensonge par omission. On peut effectivement voir les choses comme ça. Hein. Autre erreur commise par Mitterrand ? Oui, la plus grave peut-être. Pourquoi, au lendemain de l'attentat, n'a-t-il pas dit la vérité à ses amis à défaut de la livrer à la police ? Or, certains d'entre eux, et parmi eux, quelques journalistes influents, ont été humiliés d'avoir été trompés par Mitterrand. Et ils ne le pardonneront jamais au futur chef de l'État. Ça veut une explication ? À ce moment-là, Mitterrand n'a dû voir que le bénéfice qu'il pouvait tirer de ce faux attentat qui faisait de lui une sorte de héros qui n'avait échappé à la mort que grâce à son courage et à son sang-froid. Bref, il était devenu en quelque sorte prisonnier de son propre personnage. Ah, mais ça va lui coûter cher, hein ? En effet. Mmh. En effet, puisque ses collègues sénateurs vont voter à une très large majorité la levée de son immunité parlementaire. Il va être poursuivi. C'est juste, oui, mais ses poursuites judiciaires ne seront suivies d'aucun effet. Mitterrand ne sera jamais jugé pour outrage à magistrat. Mmh. Curieux ? Très curieux, oui. Enfin, quant à Pesquet, après avoir passé quelques jours en prison, il va bientôt disparaître. Disparaître, c'est-à-dire ? Eh bien, il part à l'étranger. Et c'est là qu'il s'enrôle dans des services de renseignement. Oui, après avoir appartenu quelque temps à l'OAS. Ah. Mais Pesquet n'est pas parti de son plein gré. On lui a fermement conseillé de partir. Et comme il renaclait, malgré les grosses sommes d'argent qu'on lui offrait, on s'est débrouillé pour lui coller une sale affaire sur le dos. Quoi ? La préparation et l'organisation d'un attentat minable au Palais Bourbon, dans les toilettes, je crois me rappeler. Mais il a été rapidement libéré, il s'est évanoui dans la nature. Il avait enfin compris qu'il ne faisait pas bon pour lui de rester en France. Ouais, bref, on l'avait menacé, quoi. Ça me semble certain. Ouais. Alors, qui ? Parce que j'imagine que ce sont aussi les personnes qui étaient derrière la manipulation Mitterrand. Évidemment. Une précision, d'abord. François Mitterrand, qui n'était pas homme à se laisser abattre sans se défendre, a lui-même donné une piste lors du débat au Sénat sur l'éventuelle levée de son immunité parlementaire. Une piste, je vous écoute. Oui, il a évoqué de façon très claire une affaire que je vous ai racontée il n'y a pas si longtemps, l'affaire du bazooka. Oui, je me souviens. Ah, très bien, oui. Il s'agissait d'un attentat au bazooka dirigé contre le général Salan, mais Salan n'était pas dans son bureau et c'est un de ses collaborateurs, le commandant Rodier, c'est ça qui même, a été oui. tué. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ça s'est passé en 1957. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit à ce moment-là. Si les membres du commando, les exécutants, ont été identifiés, condamnés et rapidement amnistiés, ouais. les commanditaires, eux, n'ont jamais été formellement connus. On avait parlé d'un mystérieux comité des six, hein, c'est ça. Et puis, il faut dire, le nom de Michel Debré avait même été prononcé. C'est vous qui le dites. D'une ouais. façon si persistante qu'il avait même été question à l'époque de lever son immunité parlementaire. Ouais, ouais. Or, Debré, au moment de l'affaire de l'Observatoire, est Premier ministre, n'oublions pas. Et que dit Mitterrand au Sénat ? Il évoque une scène qui s'est passée dans son bureau de garde des Sceaux en 1957, justement après l'attentat au bazooka. Racontez ça. Mitterrand, qui, malgré les attaques dont il était l'objet, ne manquait pas de mordre. Oui, bien au contraire. Hein, puis... Donc, oui, en effet. Donc Mitterrand dit ceci. Un jour du début de 1957, un homme attend dans son antichambre de la place Vendôme. Cet élu veut protester de son innocence à propos d'une affaire qui vient d'éclater et dans laquelle il est mis en cause par la presse. Il est reçu. L'homme est très nerveux. Ouais, et ce que vous racontez là, c'est bien ce que déclare Mitterrand à la tribune du Sénat. Hein? Tout à fait, tout ouais. à fait. Donc cet élu demande si malgré les aveux qui ont été recueillis et quelques pièces troublantes qui figurent dans le dossier, le garde des Sceaux... Mitterrand, c'est ça? Oui, si le garde des Sceaux va demander la levée de son immunité parlementaire. Et que répond Mitterrand ? Bah, il dit à cet opposant, car il s'agit d'un élu de l'opposition d'alors, qu'il ne manquera pas de bénéficier des garanties de la loi. Et effectivement, affirme le tribun Mitterrand, il les a obtenues. Et soudain, d'une façon assez théâtrale, mais très efficace, Mitterrand assène à ses collègues sénateurs, cet homme qui arpentait nerveusement mon bureau, c'est le Premier ministre d'aujourd'hui, c'est Michel Debré. Ah, bel effet de manche. Hein. Et bel avertissement. Mitterrand l'accusé signifie clairement à celui qui veut l'abattre politiquement qu'il a les moyens, peut-être même des documents pour lui donner la réplique. Et à mon avis, ça explique sans doute que l'affaire de l'Observatoire n'est pas débouché sur un procès. Donnant-donnant, ça va. Oui. Ouais. D'accord, mais... Et la manipulation, alors ? Bah, elle ne me semble pas trop difficile à comprendre. Pesquet a agi sur ordre depuis le début. Cette histoire d'attentat a été montée de A à Z pour se débarrasser de Mitterrand. Ouais, je veux bien vous croire, mais vous ne donnez pas de nom. Hein. Bah, je croyais pourtant avoir été assez clair. Un certain Mitterrand détient des pièces très compromettantes pour un homme qui a été l'un des initiateurs de l'affaire du bazooka. Mmh. Cet homme, qui occupe désormais de hautes fonctions, se sent en danger et cherche à tout prix à neutraliser ce Mitterrand qui est en outre devenu l'opposant numéro un du régime. Mmh. On le piège en mettant au point ce vrai faux attentat dans lequel il va se perdre, au moins par imprudence. Oui, les choses me paraissent claires, mais enfin, même si vous répugnez à prononcer le nom du commanditaire. Alors, rassurez-vous, tout le monde aura compris. Et puis, je peux bien vous le dire, si certains de vos auditeurs ont encore des doutes, il leur suffira de se reporter au livre que Pesquet a publié il n'y a pas si longtemps. Enfin, lui, au moins, il n'hésite pas à écrire ce nom que je répugne à prononcer. Oui, c'est le nom de l'homme qui lui aurait commandité l'attentat. Un dernier point, tout de même. Vous avez laissé entendre que quelqu'un a pu convaincre François Mitterrand de se lancer dans cette folle aventure. C'est juste, et vous admettez que ce personnage devait avoir une sacrée influence sur Mitterrand. Mmh. Roland Dumas ? Mais non, ils étaient amis sans plus, non. Non, je pense à quelqu'un de beaucoup plus costaud, un homme qui n'a jamais quitté le petit cercle des amis du futur président, ce qui a valu d'ailleurs plus tard certains déboires à celui-ci. Non, un homme qui avait des relations dans beaucoup de milieux, à droite comme à gauche. Un homme enfin qui avait toute la confiance de Mitterrand malgré son lourd passé. Je commence à voir de qui vous voulez parler. Hein. Eh bien, je vous le dis, seul un type de ce calibre a pu convaincre Mitterrand. Pour quelle raison, ça, je ne le sais pas. Et puis après tout, quelle importance, puisque ça n'a pas empêché François Mitterrand de devenir malgré tout le lointain héritier du général de Gaulle. Monsieur X n'a pas voulu en dire plus. Mais je peux vous indiquer, c'est vrai, que Robert Pesquet a publié en 1995 un livre chez Michel Lafon sur le vrai faux attentat de l'Observatoire où il donne les noms de ceux qui lui auraient demandé d'organiser cette machination destinée à neutraliser l'opposant François Mitterrand. Je laisse la conclusion, peut-être provisoire, à l'un des biographes de François Mitterrand, Jean Lacouture. Il est vrai que selon le témoignage de tous ceux qui le fréquentaient à cette époque, amis ou relations, François Mitterrand vivait alors dans la hantise de l'attentat et que la vie des siens, Daniel et les garçons lui paraissaient en danger. Dans le climat halluciné de l'époque, les circonstances atténuantes ne lui manquent pas du point de vue moral et psychique. C'est du point de vue politique le seul où il acceptait d'être jugé qu'il est répréhensible. La biographie de la Couture en 2 volumes a été publiée au Seuil. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur Internet et nous écrire www.franceinter.com à samedi prochain.